Donc ouais, voilà, on a un chien depuis quelques temps, donc c'est, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais bon, que Dieu nous bénisse. Donc troisième message aujourd'hui du coup de la série l'Église au service de Dieu. Donc je suis vraiment honoré d'apporter ce message parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Du coup des disciples qui font des disciples. Et je voudrais juste prier avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu. J'aimerais juste qu'on prie ensemble. Seigneur, je te remets, Seigneur, ce message, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es derrière ta parole. Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait l'effet escompté. Seigneur, tu nous appelles à être des disciples, Seigneur, à te suivre. Seigneur, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, et tu nous demandes également, Seigneur, dans la mission que tu as donnée à l'Église, de faire des disciples. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse partir, Seigneur, avec l'intime conviction, Seigneur, que notre mandat, Seigneur, de missionnaire est de faire des disciples partout à travers le monde. Aide-nous à discerner, à comprendre, Seigneur, et parle-nous, Seigneur, touche-nous au travers de ta parole. Seigneur, je te prie, comme Jean-Baptiste, que je diminue et que tu croisses au travers de moi. Seigneur, que tu parles, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, à moi en premier, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue, dans le nom de Jésus. Amen. Des disciples qui font des disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, l'enfer c'est les autres. Vous avez déjà entendu cette phrase ou pas? Non? L'enfer c'est les autres, en fin de compte c'est une citation de Jean-Paul Sartre, qui est un célèbre philosophe français, comme vous le savez. Et en fait elle achève la pièce de théâtre Huis clos, cette pièce de théâtre qu'il a écrite en 1943. Et cette pièce de théâtre, elle raconte une histoire un peu particulière, c'est l'arrivée en enfer de trois personnes. Okay, donc c'est fictif, hein, du coup. Donc l'arrivée en enfer de trois personnes, deux femmes et un homme. Et ils arrivent en enfer et en fait pendant la pièce de théâtre, ils vont se demander déjà pourquoi ils sont là et quel va être leur châtiment. Et à leur grand étonnement, leur grande surprise, ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas avoir de châtiment et qu'il n'y aura même pas de bourreau, qu'en fin de compte, et ils vont conclure en fait très rapidement que leur châtiment, leur punition, c'est de vivre les uns avec les autres. En fin de compte, du coup, la punition éternelle qu'ils ont, c'est de cohabiter, c'est de se supporter, ils vont devoir se supporter l'autre, et c'est ça, en fin de compte, leur punition. C'est pour ça qu'en fin de compte, la pièce de théâtre, du coup, se conclut par l'enfer, c'est les autres. Et certains diront, voilà, il y a beaucoup de misogynes qui disent, oui, mais s'il y avait eu trois hommes, ça irait, ça aurait été le... Mais c'est parce qu'il y avait deux femmes, c'est pour ça que c'était l'enfer. Donc je vous vois venir, non, c'est absolument pas ça, mais... C'est vrai que des fois, on peut avoir cette conception, et moi le premier, que l'enfer, entre guillemets, évidemment, du coup, pas la gêne, mais que la difficulté, c'est les autres. Que moi, en fin de compte, dans ma vie, tout va bien, et si avec eux, moi, dans ma relation avec Dieu, ça irait, mais le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est celui qui est à côté de moi, c'est mon prochain. Personne ne trouve ça, que les relations sont compliquées parfois? Ouais, bon, en tout cas, je le trouve, que les relations humaines sont compliquées. Même juste avant... On va mettre sur le compte qu'ils sont un peu malades, mais mes enfants ce matin, ils se lèvent, ils prennent leur déjeuner, ils étaient super complices, ils rigolent, ils se font des... Et juste avant de partir, donc deux heures après qu'ils se soient levés, ils étaient en train de dire « Non, t'es méchant, non, c'est toi qui es méchant, t'as entendu, c'est lui, il m'a dit... » Vous voyez, c'est ça les relations humaines, on le voit au travers des enfants, du coup que ça peut basculer, en fin de compte on s'aime une heure, et l'heure d'après, on se déchire. L'enfer, c'est les autres. Les relations humaines, c'est compliqué, on va pas se mentir, les relations humaines, c'est difficile. Et ce, depuis la chute dans le jardin d'Éden. En fin de compte, quand le péché est rentré dans le monde, on a vu que ça a affecté également notre relation avec Dieu, premièrement, mais notre relation les uns avec les autres. Et on le voit, du coup, Adam et Ève qui vivent peut-être la plus belle, je pense que c'est la plus belle histoire d'amour de toute l'humanité. Ils sont tous les deux, ils jouissent du jardin que Dieu leur a donné, de tous les plaisirs, etc. Ils vivent la plus belle histoire d'amour. Le péché entre dans le monde, du coup Dieu descend. Voilà, qui a consommé le fruit? Adam, il dit c'est elle, c'est Ève. Ok, la Bible le dit pas, mais je pense que Ève, à mon avis, elle a dû dire, tu verras, tu vas voir après, tu vas voir comment je vais te, on va régler nos comptes. Et ça continue. En fin de compte, juste après, on le voit que la première génération, du coup, Adam et Ève ont des enfants, Cain, Abel, et ça se finit par quoi? La première fratrie se finit par quoi? Par un meurtre. Du coup, pas juste sur un prétexte de jalousie, qu'un a envié Abel, et ça se traduit enfin, par le premier meurtre. En fait, la première fratrie se finit par le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est les relations humaines. L'enfer, c'est les autres. Mais Dieu, en fin de compte, souvent, on a tendance à dire, du coup, que le christianisme n'est pas une religion, mais est une relation, ce qui est profondément vrai, et ce qui est parfois un petit peu incomplet. Donc oui, en fait, le christianisme est une relation avec Dieu, mais également une relation les uns avec les autres. Dieu nous appelle, en fait, et par la croix, à restaurer la relation avec lui. On a accès maintenant au Père, mais a également voulu restaurer les relations interhumaines entre les uns et les autres. Une relation avec Dieu est également une relation avec les autres, plus particulièrement les autres croyants. Et ça va encore un petit peu plus loin, parce qu'on pense que je m'écarte, mais non, j'arrive au point. En fin de compte, du coup, Dieu, dans son plan, dans le plan qu'il avait, en fin de compte, de rachat de l'humanité, du salut et de restauration du monde, donc l'Église, Dieu avait prévu justement ces relations interhumaines. Dieu n'a pas basé le salut, en fin de compte, la restauration du monde sur une institution, mais sur des relations. C'est pour ça qu'en fin de compte, Jésus va nous dire, enfin, quand il monte au ciel, et voilà ce qu'il va dire en Matthieu 28, au verset 19 à 20, ça va être notre texte de ce jour. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que je n'ai pas mis la même version sur les deux. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit implanter des églises dans le sens des bâtiments, dans le sens de l'institution. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Ça part d'un point de vue de relation, de prendre des personnes, évidemment de leur annoncer la croix, de leur annoncer le message de la croix, mais de les faire croître par les relations, parce qu'on va annoncer, parce qu'on va démontrer, parce qu'on va témoigner, faire de toutes les nations des disciples. Le mandat missionnaire que Jésus nous donne est profondément basé sur les relations. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, en fin de compte, c'est définir très brièvement ce que je pense que chacun est au clair là-dessus, ce qu'est un disciple de Christ, et ensuite voir pourquoi faire des disciples et comment le faire. J'aimerais vraiment être pratique ce matin, du coup, donner des clés de comment faire un disciple. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un disciple ? C'est quoi un disciple ? Un disciple, j'ai trouvé cette définition, je trouve que c'est celle qui... Enfin, en tout cas, c'est ma préférée, elle est de Piper, je crois. Je n'ai pas mis le nom parce que je suis plus certain, mais je l'avais noté bien précieusement. Un disciple de Jésus est un adorateur, un serviteur et un témoin. En fin de compte, la définition standard d'un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à un enseignement, qui est un adepte ou un apprenant d'un enseignement, d'une institution ou de quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est Christ. Ça fait référence à quelqu'un qui prend les voies de quelqu'un d'autre. C'est ça, un disciple, qui suit quelqu'un d'autre, plus précisément. Donc, appliqué à Christ, ce que nous sommes, des disciples de Christ, c'est quelqu'un qui apprend à vivre de lui et à vivre comme lui. Quelqu'un qui, à cause de la grâce qui s'est manifestée, au travers de la croix, conforme ses paroles et ses voix, non pas sa voix, ses voix, V-O-I-E-S, pas sa voix, ma voix cassée, et ses voix aux paroles qu'a dites et qu'a prescrites Jésus. Ou on pourrait dire aussi, comme d'autres l'ont dit dans le passé, les disciples de Jésus sont eux-mêmes des petits Christ, des chrétiens. C'est là où on voit dans Acte 26, ça veut dire en fait chrétien, c'est le mot en grec qui veut dire petit Christ, des petits Jésus. Et on doit appuyer d'ailleurs là-dessus que disciple, en fait, de disciple est né le mot chrétien et pas le contraire. Ce n'est pas du mot chrétien qu'est né le mot disciple. On le voit d'ailleurs dans la Bible que le mot chrétien, je pense que vous le savez, apparaît que trois fois. Donc on voit un peu le manque d'intérêt peut-être de Dieu par rapport à ce nom-là. Tandis que le mot disciple apparaît 278 fois dans les Écritures. Trois fois contre 278 fois. Et dans les définitions qu'on a un petit peu... Je pourrais inconsciemment, en fin de compte, on pourrait dissocier, malgré que ce ne soit pas les réelles définitions, mais dans notre conception un petit peu qu'on a du christianisme, quand on parle de chrétien, on pense à quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur, donc qui est sauvé, qui a accepté le sacrifice de Jésus à la croix, qui s'est repenti, etc. Ça, c'est un chrétien. Mais un disciple, ça va plus loin que ça. C'est non seulement Jésus est notre sauveur, mais Jésus est notre Seigneur. On l'a chanté, Jésus est le roi des rois, donc on lui donne toute notre vie, on lui donne notre loyauté, toutes les sphères de notre être, de notre vie appartiennent à Christ. C'est ça un disciple. Et c'est ce que Jésus a voulu. Il n'a pas voulu, en fin de compte, juste qu'on l'accepte comme sauveur, mais qu'on l'accepte comme Seigneur, qu'on devienne ses disciples. C'est pour ça que, d'ailleurs, le mot chrétien n'est pas sorti de la bouche de Jésus. Il est venu bien après, du coup, dans les Actes et une fois dans Corinthiens ou de Pierre, je ne sais plus. Besoin de s'investir dans l'autre. C'est ça, en fait, en fin de compte, un disciple. Faire des disciples, c'est d'abord s'investir dans les personnes. C'est d'abord s'investir dans mon prochain. C'est pour ça que j'ai parlé des relations. Aimer son prochain, d'en faire un disciple, est la clé. C'est la clé. Aimer son prochain. Tu ne peux pas faire un disciple si on n'a pas compris l'enseignement principal qui est aime Dieu en premier, mais aime ton prochain. Ça part de là. Et on voit en fin de compte que ce qui est assez intéressant dans ce texte, c'est que l'appel est universel. Allez, faites dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. C'est un appel universel. Mais par contre, on pourrait se poser enfin, la question suivante. Est-ce qu'il y a un prérequis pour faire des disciples? C'est la question qui m'a été posée d'ailleurs. Est-ce que ça demande un prérequis, une condition? Quelque chose de... Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse faire des disciples de Christ? Alors, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de prérequis dans le sens qualification. Il n'y a pas de qualification requise pour faire un disciple de Christ. Mais par contre, il y a juste une condition. La Bible, en fait, parle d'une condition, c'est être soi-même un disciple. Pour faire des disciples, la condition est de fait est d'être soi-même un disciple. Et on le voit juste un peu plus haut dans Matthieu 28, donc nous on a lu 19 à 20. Quand on prend à partir du verset 16, donc juste un petit peu plus haut, vous savez que, comme j'aime bien le dire, un texte hors de son contexte est un prétexte, donc là on va le prendre dans son contexte, ça dit ceci à partir du verset 16, « Les 11 disciples se rendirent en Galilée. » Sur la colline que Jésus leur avait indiquée, dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, allez dans le monde entier, etc. » Donc la condition, en fait Jésus s'adresse à qui à ce moment-là? Aux disciples. Donc ils sont plus qu'onze du coup, parce que là c'est après la trahison de Judas bien évidemment. Mais du coup ça parle, il s'adresse aux 11 disciples. Il ne s'adresse pas à la foule. Il ne s'adresse pas aux 70, il va s'adresser aux 12, enfin ce qui sont devenus 11 là maintenant. Donc on peut en fin de compte voir dans le contexte du texte que la seule condition, mais qui est indispensable pour faire des disciples, c'est être soi-même un disciple de Christ. Pour faire des disciples, on a besoin d'être disciples. Et on voit en fin de compte que dans ce texte-là, que les disciples qui font des disciples, et la stratégie initiale de Christ. Du coup, c'est ça, en fin de compte, quand je parle de relations, de l'extension du royaume de Dieu, ça n'a pas été des institutions, on le voit, c'est aller parmi le monde entier, faites des disciples. Il parle à ses disciples et il leur demande d'aller faire d'autres disciples. C'est ça, en fait, la stratégie de Jésus, en fait, la stratégie de l'Église pour sauver le monde et pour changer le monde, pour amener la restauration. C'est des disciples qui font des disciples. Et ce qui est encourageant, Aldan, c'est que ce n'est pas réservé à une élite. Fin de compte, et je pense qu'il y a des moments où, dans l'histoire de l'Église où on a manqué cette prescription-là, parce qu'on a réservé en fin de compte à une élite, c'est-à-dire les responsables, les leaders, les pasteurs, les apôtres, évangélistes, les docteurs, les enseignants, les cinq ministères, on s'est dit c'est à eux. C'est à eux, en fin de compte, c'est eux qui font les disciples. On les ramène, en fin de compte, dans l'Église, et c'est le rôle en fin, du pasteur ou de l'enseignant de faire des disciples. Mais Jésus n'a jamais voulu ça. Le mandat missionnaire que Jésus nous donne en Matthieu 28, c'est que nous, qui sommes disciples de Christ, fassions des disciples. Il n'y a pas de qualification requise, il y a pas de, hormis être un disciple, il n'y a pas de nécessité d'être pasteur ou docteur ou de ce qu'on veut. C'est à nous, disciples, de faire des disciples. C'est ça la stratégie de Jésus, la multiplication. Parce que tout tourne autour des relations, comme je l'ai dit. Et j'aimerais du coup faire une toute petite parenthèse, m'écarter un tout petit peu, mais vous verrez du coup, pour justement ramener à cette relation de disciples. En fin de compte, tout tourne autour des relations dans notre vie chrétienne. Et j'aimerais juste exposer 5 types de relations essentielles lorsqu'on est un disciple de Christ, qui sont essentielles à notre croissance, qui sont essentielles à notre bien-être spirituel. 5 relations essentielles que nous devons développer, que nous devons avoir dans notre vie chrétienne. Et qui sont matérialisées par 5 personnages bibliques. Donc je vais dire ces cinq-là et après on va revenir, vous verrez que ça a un rapport direct. La première relation, je ne l'ai pas noté par contre dans mon PowerPoint si vous voulez prendre des notes, c'est la relation de modèle. On a tous besoin d'un modèle d'inspiration. Et le personnage en fin de compte biblique qui représente ça, c'est Pierre. Pierre représente, malgré qu'il soit imparfait, on l'a vu en fait au travers de l'histoire, Pierre est un peu ce personnage plus grand que nature. En fin de compte, on voit après la Pentecôte que, enfin, la prédication qui amène 3000 personnes, on voit que son ombre guérissait les malades, on voit qu'il a établi l'église de Jérusalem. On voit en fin de compte que Pierre est un personnage un petit peu ce qu'on appelle les héros de la foi. Et on a besoin, dans notre équilibre relationnel, du coup, dans la foi, de ces personnages-là. On a besoin d'un modèle. Des personnes qu'on n'a pas forcément à côté de nous, mais qui nous inspirent. Un modèle d'inspiration. Un modèle, en fin de compte, qui va des héros de la foi, des super-héros de la foi, des Marvel de la foi, des personnes qu'on voit un petit peu, qu'on met sur un piédestal, et qui nous inspirent, qui nous boostent. Donc, on peut après, chacun a ses personnages, mais c'est vraiment important. Du coup, peut-être dans le monde anglophone, il y en a qui sont plus fans en ce moment de Furtick, ou encore TD Jakes, c'est encore très. Ou alors dans le monde francophone, il y en a beaucoup maintenant qui sont derrière Castanou, ou Marcelo Tounassi, ou d'autres. Je ne sais pas, mais c'est important en tout cas d'avoir ces personnages plus grands, d'avoir un modèle de foi. Dans les relations, quelqu'un qui est distant mais qui est une source d'inspiration, un héros de la foi. Le deuxième modèle, le deuxième type de relation, excusez-moi, et qui est directement en rapport, c'est pour ça qu'on va revenir au disciple là, c'est le père spirituel. Avoir un père spirituel. Et ça, en fait, le personnage qu'il représente bien, c'est Paul. Paul était un père spirituel. Souvent, d'ailleurs, et même au début, également ce que je pensais, je le voyais moi comme un géant de la foi. Il l'est également, mais on voit au travers des écrits de Paul que apparemment, c'était pas quelqu'un de très charismatique, pas quelqu'un de très éloquent. C'était les églises même le critiquaient en disant il est bon dans ses lettres, mais en personne il n'est pas très très charismatique, il est pas très impressionnant. Probablement, enfin, c'est certain en tout cas, historiens et théologiens pensent qu'il avait une faiblesse physique. C'était quelqu'un peut-être un petit peu chétif ou quelque chose comme ça. Mais l'apôtre Paul, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que c'était un père spirituel. C'était un père spirituel, un mentor, quelqu'un qui supporte. On le voit avec Timothée, c'est quelqu'un qui supporte, qui encourage, qui édifie, qui célèbre quand ça va bien, qui redresse quand il y a des choses qui ne vont pas, qui console quand ça va mal. Cette notion de père spirituel. Il y a également le troisième type de relation, c'est le vis-à-vis. Barnabas représente un peu ce personnage-là. C'est des personnes avec qui tu marches, qui sont pas, t'es pas impressionné par elles et elles sont pas impressionnées par toi. C'est des amis, en quelque sorte. Et c'est tellement important de développer cette relation-là, d'avoir des amis, des compagnons vraiment de route, je sais pas si vous appelez ça comme on veut, meilleur ami, best, gassure, vous mettrez l'expression que vous voulez, mais des personnes avec qui on marche. Des Barnabas, des personnes en fin de compte avec qui on chemine dans la foi et qui sont là quand ça va pas, qui prient ensemble, qui n'ont pas de relation ni de hiérarchique entre guillemets, en fin de compte, même si ça n'existe pas vraiment, mais vous voyez, quelque chose, un vis-à-vis. La quatrième relation, c'est ce qu'on appelle un peu le compagnon. Silas représente ça, le compagnon, en fait, quelqu'un avec qui on a une amitié, des affinités. Mais ça ne va pas plus loin que ça, des affinités naturelles. En fin de compte, c'est un pote, c'est un copain, c'est une pote, c'est quelqu'un avec qui tu passes des bons moments. Et on a le droit, en fin de compte, d'avoir ces amitiés-là. Et c'est même ça, en fin de compte. Du coup, Silas était ce type de personnage-là. Et c'est important de développer ça, je ne vais pas le développer là, mais c'est important de développer des amitiés comme ça, des connaissances. Et la cinquième, et c'est là du coup où je vais rebondir, c'est la personne à transmettre, qui est représentée par Timothée. La personne dans laquelle tu te déverses, la personne dont tout ce que tu as reçu, tu lui transmets à lui pour qu'il grandisse. Un Timothée, c'est dans le plan de Dieu, des disciples qui font des disciples. Et on voit que dans ces cinq relations, c'est pour ça que j'en ai parlé pour après faire effet entonnoir et revenir, il y en a deux qui sont du coup le père spirituel et la personne à transmettre, et je dirais même aussi quelque part un peu le modèle, même s'il est à distance, Donc deux, presque trois de ces cinq relations-là bibliques qui font directement partie de ce qu'on appelle le discipulat, de soit d'être un disciple et de faire des disciples. Donc en tout cas, les deux directs, c'est d'avoir un père spirituel, quelqu'un qui fait de nous un disciple. Et la deuxième personne, et c'est là en fait le thème profond du message ce matin, c'est de faire un disciple, c'est d'avoir une personne à qui transmettre. Faire un disciple, une personne à transmettre. On voit que Paul avait Timothée, Moïse avait Josué, Élie avait Élisée, du coup Jésus, en fin de compte on voit, comme j'ai dit auparavant, il y avait la foule qui était autour de lui, mais dans cette foule-là il y avait les 70, dans les 70 il y avait les 12, et même dans les 12 il y avait les 3, et dans les 3 il y avait le disciple que Jésus aimait. Vous voyez, on voit en fin de compte du coup que les relations même que Jésus avait étaient très cadré, entre guillemets. En fait, il y avait des personnes dans lesquelles il se déversait plus. Jésus, si vous voulez, en fait, du coup, aimait tout le monde. En fait, il y avait cette notion de foule, mais il y avait des personnes avec qui il était plus proche, dans lesquelles il se déversait plus profondément. Et j'aimerais voir, du coup, justement, trois raisons avec vous. Je l'ai allumé ou pas? Je ne sais pas si tu peux passer à la diapo. Du coup, j'arrive pas à... Bref, ça va venir du coup. En fait, trois raisons pour lesquelles on doit faire des disciples. On devrait faire, pour ne pas dire on doit. Trois raisons pour lesquelles on devrait faire des disciples. La première, c'est pour répondre à la mission. Comme on l'a vu du coup dans ce texte-là, c'est le mandat missionnaire que Jésus nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour répondre à la mission, c'est le mandat missionnaire d'étendre le royaume de Dieu. Faites de toutes les nations des disciples. C'est la première raison pour laquelle on devrait faire des disciples. On devrait s'atteler et attacher une énorme importance à ça. Nous, évidemment que les activités, tout en fait, l'événementiel a une grande importance et il faut le faire, il faut développer ces choses-là avec excellence. Mais là où on devrait mettre beaucoup d'énergie, c'est à faire des disciples. Parce que c'est le mandat, en fait, c'est la mission que Jésus nous a donnée, de faire des disciples, être son disciple pour pouvoir faire des disciples. La deuxième raison, c'est pour notre évolution, notre croissance. Vous savez, le faire, la Bible dit ça dans le livre des Proverbes, le faire aiguise le faire, l'homme aiguise l'homme. En fin de compte, les relations, et notamment se déverser dans quelqu'un, faire un disciple est essentiel à notre croissance spirituelle. C'est tellement essentiel, du coup, et c'est pour ça que j'ai introduit en disant l'enfer, c'est les autres, parce que c'est tellement difficile, parce que parfois les personnes sont tellement particulières, on va dire, pour ne pas dire relou, mais du coup, il y a tellement de défis à faire un disciple, mais c'est tellement, en fin de compte, bénéfique même pour nous. Ça peut paraître un peu, du coup, mais j'essaie de faire la promo, mais ça nous fait évoluer, ça nous fait croître. Même le fait... Prenons juste l'exemple au niveau de la parole de Dieu. Quand on explique la Bible à quelqu'un, au final, on se rend compte que peut-être il y a même des zones pour nous qui sont pas super claires, et ça nous aide également à progresser. On ne régresse jamais, on progresse tout le temps à enseigner quelqu'un. Et je ne parle que de la parole de Dieu, mais sinon à l'accompagner, à prier, etc. C'est toujours, du coup, une zone de croissance pour nous également, et pas que pour la personne. La troisième raison, c'est pour entretenir la passion. Se déverser dans d'autres, en fin de compte, ce n'est pas juste une passerelle. On n'est pas juste un pont que Dieu en fait, se sert. En fait, on est un disciple qui va faire un autre disciple. Ça ravive également notre passion. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. C'est un principe vraiment, du coup, qui est profondément biblique et qui est dans le discipulat, c'est que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que si quand on va, par exemple, pour encourager quelqu'un ou pour prier pour quelqu'un qui est peut-être dans une mauvaise situation ou qui est découragé ou ce qu'on veut, des fois, en fin de compte, c'est nous qui sommes encouragés après. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Moi, ça m'arrive plein de fois. Du coup, des fois, en fin de compte, on va, il y a une personne qui est dans une situation délicate, du coup, et puis en fait, en l'encourageant, je me rends compte que je m'encourage moi et que la personne m'encourage. Et ça, en fin de compte, c'est juste biblique. C'est on récolte ce qu'on sème. Tu sèmes de l'encouragement, tu vas récolter de l'encouragement. Et il y a quelque chose, du coup, qui entretient ta passion pour Dieu. Quand tu te déverses dans quelqu'un, quand tu prends vraiment, du coup, une personne et que tu tu en fais un disciple, tu t'investis, tu mets du temps, tu t'y mets de l'amour, de la prière, etc. Au final, c'est toi également qui va bénéficier de ce que tu donnes. Parce qu'on récolte de ce qu'on sème. Donc j'aimerais du coup qu'on puisse voir, du coup, pour le côté vraiment pratique, vous savez, moi j'aime bien les trucs un peu visuels, en fait qu'on puisse voir à travers de l'acrostiche, pardon, je vous avais dit que ma voix là, elle est compliquée, disciple, comment faire un disciple, comment ça se passe en fin de compte. Du coup, à se dire, moi oui, ok, j'ai envie de m'investir dans quelqu'un, de faire des disciples, de prendre du temps, j'ai envie de développer ce que Dieu me demande, en fin de compte le mandat que Jésus m'a donné, mais comment ça se passe, quelles sont en fin de compte les clés, je ne sais pas trop comment m'y prendre, justement comme je vous l'ai dit, on a peut-être trop centralisé des fois sur les leaderships de l'église, mais moi comment je peux faire. Donc j'aimerais du coup au travers de l'acrostiche disciple, qu'on puisse voir quelques clés, quelques directions de comment on peut faire un disciple. Comment, en fait, quelles sont les choses qui nous aident. Le premier, donc, le D de disciple, c'est détourne-toi de toi. En fin de compte, je le dis souvent, du coup, le problème, en fin de compte, dans notre société, dans notre christianisme un peu moderne, occidental, c'est que on a cette notion que je vis ma foi pour moi. C'est moi et Dieu, et je vais à l'église, en fait, comment est-ce que je peux être encouragé, moi? Comment, en fait, qu'est-ce que Dieu va me communiquer, en fait, je cherche une parole pour moi, etc. Et faire un disciple, c'est justement se détourner de l'état du moi. Vous savez, ceux qui sont partis, il y en a qui sont partis en Israël ou pas? Non? Moi aussi, je prie, en tout cas, j'ai fait une prière que dans les 3 ans à venir, je puisse y aller. Je vois que ça commence à s'ouvrir un peu, vu qu'on a notre église, une église qui a ouvert à Tel Aviv. Donc du coup, je me dis, c'est possible que dans les 3 ans, j'y aille. Mais en tout cas, toutes les personnes qui y sont allées m'ont dit ceci sur la mer morte, que la mer morte, vous savez, donc du coup, là, en fait, a une odeur particulière, pour ne pas dire, en fin de compte, qu'elle sent mauvais. Et la particularité de la mer morte, en fin de compte, c'est qu'elle reçoit, mais qu'elle ne redonne pas. C'est pour ça, en fin de compte, qu'elle stagne et qu'elle a une concentration aussi en sel qui est dense. Mais le fait qu'elle reçoive et qu'elle ne se redéverse pas, ça développe une odeur particulière. Apparemment, je le découvrirai quand j'irai, mais apparemment, en fait, la mer morte, parfois ça pue. Et c'est un petit peu pareil, en fait, avec nous. On vraiment des chrétiens qui consomment, on consomme, on reçoit, mais on ne se déverse pas. Et parfois, moi, je me suis vu, en fin de compte, du coup, me dire, mais comment ça se fait, du coup, que ma vie chrétienne, au final, sent mauvais, enfin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça, en fin de compte, la réponse que j'ai trouvée, c'est que parfois j'étais trop centré sur moi. Et qu'en centrant juste sur moi, ma vie spirituelle, mon truc, développer ma vie de prière, la parole de Dieu, etc., j'en oubliais de me déverser dans quelqu'un d'autre. Et ça, en fin de compte, ça stagne. En fin de compte, il n'y a rien. Du coup, Dieu nous demande de développer sa relation avec Dieu. Aime Dieu et aime ton prochain. Il y a quelque chose, en fait, une redistribution également de ce qu'on reçoit. La mer morte pue. Donc on a ce devoir de ce qu'on a reçu, de l'enseigner à d'autres, ce que nous dit Paul du coup. De le transmettre, ce qui nous a été transmis, qu'on puisse également le transmettre, qu'il puisse y avoir une transmission entre ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a enseigné, que je puisse également le déverser dans d'autres. Ce qui se déverse en moi, je veux le déverser dans d'autres personnes. Le I de disciple, c'est investi. Investis, et je dirais la chose la plus importante, peut-être du temps. Investis du temps, investis de ta présence, investis de ta personne dans quelqu'un. Je sais qu'on a des vies qui sont absolument du coup débordées. Enfin, moi, je sais que je sais même pas, des fois, j'ai l'impression que j'ai même pas le temps de respirer. Mais il faut trouver un temps. Et vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de créer du temps. Des fois, il faut juste rentabiliser le temps. Il y a peut-être une personne. Excusez-moi, ma voix n'est pas en vrille. Il y a peut-être une personne tu cours, peut-être il y a une personne qui aime bien aussi le jogging. Si tu veux m'inviter à faire un jogging, oublie-moi, moi c'est pas du tout mon délire. Mais peut-être, je sais pas, tu vas à la salle de sport ou tu t'aimes faire du shopping ou j'en sais rien. Enfin, mais en tout cas, peut-être qu'il y a ce laps de temps-là que tu prends pour toi. peut-être que tu peux impliquer une personne dans laquelle tu as envie d'avoir une influence, dans laquelle tu as envie de faire un disciple. Pas besoin du coup de se dire, vous savez, là on est à la fin de 2019 et les bonnes résolutions vont commencer à arriver. Je crois qu'une des meilleures résolutions, c'est de s'investir dans la vie de quelqu'un, mais il n'y a peut-être pas besoin de dégager du temps. Essayons de voir, en fin de compte, le temps qu'on a, comment on peut le rentabiliser. Quelle activité je fais pour moi où je pourrais peut-être inclure quelqu'un cette année et que je puisse me déverser, que je puisse investir en lui. La troisième lettre, du coup, S, c'est sert. Jésus, en fait, a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais servir. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, le problème, parfois, dans la notion de disciple, dans la notion de se déverser dans quelqu'un, c'est que ça devient, en fin de compte, du coup, la personne à transmettre devient notre petit. Vous connaissez un petit peu l'expression, je vous dis ça aussi, du coup, c'est mon petit. Ok, donc, tant que ça reste une expression, ça va. Après, en tout cas, même dans, enfin, je dis, en toute transparence, même dans d'autres, on va dire, pas mouvements, mais dans d'autres types d'églises, la notion de petit peut vite vriller. En fin de compte, où on perd cette notion de, on sert la personne, on se déverse dans une personne pour en faire un disciple, et on la sert à la notion de la personne, enfin, le disciple que je suis en train de faire va me servir moi. Parce que si il est mon petit, ça veut dire que je suis son grand. Ok. Ok, donc c'est pour ça que c'est important. Je pense pas vraiment, du coup, enfin, j'ai aucun doute que, enfin, vous connaissant, c'est absolument pas votre manière de fonctionner, mais en tout cas, ça existe dans d'autres églises. Mais c'est pour ça que de faire un disciple, je rappelle du coup tout le temps la notion de service. C'est nous qui servons le disciple que l'on forme, qu'on forme. La quatrième chose, c'est croire. Crois en la personne. Je sais que c'est difficile. Parce que parfois, en fait, quand on fait un disciple, il faut se dire que la personne est à un niveau, on doit parler de niveau, mais peut-être n'est pas super avancée dans sa foi, ou peut-être même au tout début. Et c'est parfois difficile de croire au-delà de ce qu'on voit. De se dire, mais attends, il y a ça dans sa vie, c'est compliqué. Il y a un truc qui est vraiment compliqué. Et quand on forme un disciple, on doit voir, en fait, non pas avec nos yeux, mais en fait avec les yeux de Dieu. Ce que la personne, en fait, peut potentiellement devenir, ce que Dieu veut faire de la personne. Donc c'est difficile, mais il faut croire en la personne. Et ça se manifeste en deux choses. En l'encourageant, 1 Thessaloniciens 5 au verset 11 nous dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Vous voyez comment l'encouragement est lié à la croissance? Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous à grandir dans la foi. Encourager, il n'y a rien de plus boostant. Je pense que du coup, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont encouragé à des moments donnés. Il y a un moment, en fait, quand, même si tu ne vois pas, même si tu vois qu'en fait, la personne que dans laquelle tu te déverses, tu dis qu'elle est très très loin, elle est juste sur le cheminement, le premier pas avant d'être vraiment ce qu'on peut appeler un disciple de Christ comme on l'entend nous. Mais croire qu'elle va le devenir, l'encourager. Tu peux le faire, ok. En fait, ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire également dans la tienne. Tu luttes avec ça, j'ai connu la même chose, et Dieu va agir. L'encouragement, ça se matérialise souvent en quoi? En délégation. 2 Timothée 2 au verset 2, l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui sont capables à leur tour d'en instruire d'autres. N'ayons pas peur dans les disciples qu'on forme de déléguer aussi. De pas... Vous savez, ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui seront mieux faites par des personnes qui sont plus matures dans la foi ou qui servent depuis longtemps, c'est certain. Mais il y a un moment donné, en fin de compte, faire des disciples, c'est aussi relâcher, en fin de compte, la confiance que Dieu va se servir aussi. Il faut bien que la personne démarre à un moment donné. Ça, vous savez, c'est un cheminement. Au tout début, c'était un peu ça, vouloir tout contrôler, etc. Il y a, pour vous encourager, il y a un mois, dans notre église, il y a une fille en laquelle on se déverse beaucoup avec Aurélie. En fait, et on va dire que c'est pas, on voit quelque chose, mais ce n'est pas encore arrivé. Et à un moment donné, donc, du coup, on lui demande, vous savez, on fait, dans notre église, on fait les offrandes, c'est pas une prédication, mais on apporte un texte biblique et puis on prêche, en fait, on encourage un petit peu, etc. Et je dis, en fait, on se dit, bon, allez, par la foi, on va lui faire faire. Et puis à un moment donné, on se dit, mais t'es sûr? Même à l'oral, elle peut faire des fautes d'orthographe. En fait, c'est compliqué. Et on l'a quand même fait. Et je crois qu'en fait Dieu a permis, je ne dis pas que c'est elle qui a convaincu, mais Dieu a permis ce jour-là qu'en fin de compte les offrandes, ce soit le dimanche où on a eu plus d'offrandes depuis le début. En fait, on a eu en fait, confiance en elle, ce n'était pas parfait. Son analyse du texte, c'était peut-être, il y avait des choses également à redire, tout ça, mais on a cru, on a mis en application malgré que ça nous faisait peur. Mais Dieu a béni en fait ce moment-là. Ce n'était peut-être pas comme on aurait voulu, mais en fait Dieu s'est servi de ce moment-là et en fait a béni son église avec. Croire en la personne dans laquelle on s'investit, l'encourager et déléguer, n'hésitez pas à déléguer. Le « i », j'ai mis « imite avec tes limites ». Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Philippiens 3, 13. Imite, car la version biblique de ce qui ressemble, ça semble, en fin de compte, c'est plutôt tu vas ressembler à ceux avec qui tu t'assembles. C'est pour ça, en fin de compte, du coup, que même Paul du coup, va dire soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. On doit, en fin de compte, et c'est peut-être même la chose la plus importante, imiter Christ afin qu'au travers de nous, les personnes en qui on s'investit vont recevoir, en fin de compte, vont nous imiter et vont prendre de notre modèle, en fait, le modèle à suivre parce que nous-mêmes, on suit Christ. Vous me suivez ou pas? C'est compliqué un peu. Hein, mais non, ça va? C'est compliqué comment j'ai parlé. Le principe n'est pas compliqué, mais c'est moi qui ai un peu... Imitons Christ. Imiter. Il y a une histoire que j'ai lue qui m'a fait rire, c'est Charlie Chaplin qui a participé alors qu'il était connu, il y avait un concours, j'ai pas noté ni la date ni le truc, je me demande si c'était pas à Denver ou quelque chose comme ça, peu importe. Il y avait un concours d'imitation de Charlie Chaplin et il s'est lui-même inscrit pour s'imiter lui-même. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il a terminé troisième. Du coup, je me dis, mais les deux premiers, en fait, l'imitaient même mieux que lui-même. Donc c'est assez fou et c'est ça, en fin de compte, du coup, l'imitation. On est appelé à imiter Christ afin qu'au travers de nous, les personnes en fait le voient. Et j'ai mis en fin de compte, imite avec tes limites, parce que du coup Paul va dire quelque chose, va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, mais va dire aussi quelque chose, va dire, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, et le mal que je veux pas faire, je le fais également. C'est pour ça en fin de compte qu'il faut qu'on soit conscient qu'on a des limites. Il faut qu'on soit conscient que, et le modèle justement, vous savez, que le modèle par excellence c'est Christ et que c'est pas nous. Et je crois que les personnes vont être plus impactées, vont plus grandir en voyant également nos faiblesses. Vous savez, quelqu'un a dit ceci un jour, vous impressionnerez les gens avec vos exploits, mais vous connecterez avec eux, avec vos faiblesses. Et c'est pour ça que je dis imite avec tes limites. Paul a eu cette transparence-là. Ne nous mettons pas, en fin de compte, quand on forme un disciple, cette casquette-là de gars parfait, tout ça, laissons voir également ce que nous, les zones dont Dieu est également en train de travailler dans nos vies. Ayons cette transparence. Le P, j'ai mis porte et supporte, parce que on ne va pas se mentir, faire des disciples, il faut supporter. Vous savez, pas plus tard que cette semaine, il y a une fille que j'ai, très jeune dans la foi, enfin même sur le chemin, on va dire, du coup, pas encore vraiment chrétienne, en proprement dit, elle s'approche de Dieu et en fin de compte, elle m'a rappelé, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas appelé, et elle a voulu prendre contact, elle m'a dit, voilà, ma foi, ça ne va pas, etc., est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai dit, ok, on peut s'appeler, donc je vais dégager un temps, on l'a appelé une heure. Et pendant, peut-être, allez, je vais être gentil, je vais dire la première demi-heure, mais c'était plus les 40 minutes, en fait, la fille, du coup, me disait, oui, de toute façon, voilà, au tout début, du coup, elle disait, voilà, je crois, je comprends pas si Dieu existe, nanana. Donc ça allait. Puis après, ça commençait à être un petit peu plus personnel au niveau de l'église. Du coup, elle disait, oui, voilà, moi, de toute façon, je veux plus venir et tout ça. Je dis, mais il n'y a aucun problème. Je dis, mais est-ce qu'il y a d'autres églises, peut-être, où tu peux être plus à l'aise, que je peux te conseiller et tout ça? Non, vous comprenez pas, moi, je veux plus aller à l'église, tout ça. Ok, mais c'est à la base, c'est toi qui m'as appelé, en fin de compte. Moi, je t'ai rien demandé. Et en fin de compte, Et c'est vrai que ça m'a assez agacé, hein, je suis humain du coup, mais le Saint-Esprit aussi m'a parlé et m'a apaisé, il m'a dit non, faut, en fait là ce moment-là elle en a besoin. En fait c'est sa colère, quand un malheureux crie l'Éternel entend, donc elle crie aussi sa douleur, sa colère et il faut que tu l'écoutes. Et donc je l'ai écouté et après à la fin j'ai eu peut-être 10 minutes pour parler et je lui ai parlé parce que c'est vrai ce qu'elle vit c'est pas facile etc. Et je lui ai raconté toute la vie de Joseph etc. et j'ai prié avec elle. Et à la fin, du coup, elle m'a dit « Oui, ça m'a fait du bien, ce moment-là. » Je dis « Ok, gloire à Dieu. » Mais c'est juste, c'est pour ça, porter et supporter. c'est pas facile parce qu'on est humain, il y a des fois où, enfin, et puis surtout dans ces cas-là, quoi. C'est des cas qui arrivent tout le temps, hein. C'est des personnes qui viennent à toi mais qui viennent pour t'insulter, hein, en quelque sorte, ok, si tu veux, mais c'est à la base, j'avais rien demandé. Mais voilà, porter et supporter, ça prend de l'énergie, ça prend de l'énergie, ça prend également de... Porter, c'est également du coup voir que des fois ce qu'on a investi pendant des heures et des heures, en fin de compte la personne ne la met pas en pratique et revient toujours dans le même état, ça arrive. Mais c'est pour ça que c'est notre rôle en tant que disciple de porter et supporter, parce qu'on est à l'image de Christ, soyez les imitateurs de Christ et manifestez la grâce, manifestez l'amour, manifestez la compassion, du coup et pas le jugement. J'ai mis « elle lead ». En fin de compte, on a, à juste titre, beaucoup parlé du mot leader, beaucoup parlé de faire des formations de leaders, etc. Et à juste titre, parce que je pense qu'à des moments donnés, l'église peut-être était mal organisée, ou je ne sais pas, moi je n'ai pas vécu cette époque-là, mais c'est bien d'avoir des leaders efficaces, etc. Mais on a des fois tellement mis ce mot sur un piédestal, en fin de compte, sur un leader, que les autres, ça les a mis sur le côté. Et on est tous amenés dans faire des disciples à l'idée. En fin de compte, l'idée, c'est quoi si, très simplement, c'est amener la personne d'un point A à un point B. Amener, en fin de compte, la personne, ton état est là, ok, l'objectif, c'est que je t'amène là. C'est juste ça. Si vous pouvez être le leader dans la vie de quelqu'un dans lequel vous investissez pour faire un disciple, c'est déjà extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'aspirer à être un leader sur le devant, à être un leader, un responsable de groupe ou quoi. Ça, je pense que c'est la plus grosse partie, la plus belle partie de ce qu'on appelle le leadership. C'est s'investir dans quelqu'un, c'est de donner du temps, de dire écoute, là t'es là, t'es à ce niveau-là de la foi, mais je vais te montrer, on va y aller ensemble, par la main, je vais t'amener de ce point-là à ce point-là. L'idée. Et le dernier point, c'est un mot qui n'existe pas, je crois. Enfin, je suis sûr que ça n'existe pas. J'ai mis exponentialise. Vous pouvez le rajouter dans votre dictionnaire au crayon. Vous mettrez mot inventé par Loïc. Je ne sais pas si quelqu'un peut revenir au piano, juste pour conclure. En fin de compte, j'avais mis une image. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette image-là. C'est sur l'image de la prolifération du chat. Ils la mettent parfois du coup j'ai dû la voir sur internet peut-être, dans les magazines, ou en fait c'est par prévention de la stérilisation des chats. Moi j'ai pas de chat, j'ai un chien, maintenant. Et donc en fin de compte, et c'est assez surprenant, parce que donc ils veulent montrer que voilà, si tu stérilises pas ton chat, et si tu le laisses faire en fin de compte un peu toutes les portées, tu rentres dans un domaine de non-stérilisation, voilà comment ça peut se multiplier. En fin de compte, la première année déjà tu peux avoir 12 chatons. Et après, c'est exponentiel. La deuxième année, 144. Je vois très mal d'ici. La troisième année, 1798, je crois. Et en 4 ans, on a comme possibilité 20 736 chats potentiels en 4 ans. Vous voyez ? C'est exponentiel. En fin de compte, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, en fin de compte, et on le voit en fait au travers des Écritures, au travers de la vie de Jésus, au travers des Évangiles, c'est qu'on a un Dieu de la multiplication. Il faut, en fin de compte, du coup, continuer. En fait, l'Église est en train de devenir excellente partout. On voit des choses en fait extraordinaires. Continuer l'événementiel, toutes ces choses sont vraiment bonnes. Mais pourquoi, en fin de compte, Jésus nous donne ce mandat-là, ce mandat de faire des disciples? Admettons, par exemple, du coup, c'est pour ça que je parle d'exponent, multiplier. Enfin, si on met tout le paquet, en fait, on va prendre du coup l'exemple là. Voilà, on est là, on va faire un énorme événement d'évangélisation, du coup, en mai. Super concert, super orateur, du coup, voilà, enfin, tout. On fait du coup, en fait, un événement d'évangélisation. Big truc, on organise, tout est au carré, communication sur les réseaux, la louange au top, prédicateur au top, tout est bien, l'accompagnement, tout. Toutes les personnes sont placées dans un bon endroit, etc. On fait un appel à la fin, il y a 5 personnes qui se convertissent. Gloire à Dieu, c'est bien quand même. cinq personnes qu'on va du coup dire bah écoute, viens à l'église dimanche prochain. Cinq pour plus. Par contre, en fait, Jésus réagit pas comme ça. Du coup, c'est très bien, il faut le faire. Tout, même si c'était une personne en plus, il faut le faire. Mais Jésus, en fait, a une autre manière de faire. Quand il nous parle des disciples qui vont faire des disciples, en fin de compte, ça commence très petit, mais ça se multiplie très vite. Exactement comme la prolifération du chat. Par exemple, moi, je vais dire cette année, fictif, hein, je vais passer toute mon année à faire d'Elisabeth un disciple. Je vais investir mon temps, juste elle, juste une personne. Juste en 2020, choisis une personne. L'année d'après, je vais m'investir dans quelqu'un d'autre. Et elle-même va s'investir dans quelqu'un d'autre. Là, on est sur un truc de 4. Okay ? Et petit à petit, donc au final, ça fait 2 puissance 10 au bout de 10 ans. Vous savez combien ça fait ? Ça fait beaucoup. Ça fait 1024. 1024 disciples en l'espace de 10 ans. Si chacun prend une personne par an à chaque fois. C'est exactement le même principe du coup que la prolifération du chat. Si tu t'investis en une ou deux personnes par an et que ces personnes-là maturent, deviennent des vrais disciples en Christ et s'investissent également l'année d'après en une personne, ne serait-ce qu'une personne, 2 exponentielles 10. Au bout de 10 ans, en théorie bien sûr, on ne va pas agir à la place de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait, mais ça fait 1024 disciples de Christ. C'est-à-dire que là, 5 personnes, si on fait un événement par an, ça en fait 50. C'est bien aussi. Mais 1024, addition plus 50, ou alors plus 1024. Qu'est-ce qu'on choisit ? Vous voyez ? C'est un peu tordu, hein, ce calcul-là. Mais il y a quelque chose de profondément biblique dedans. C'est de s'investir, faire des disciples qui vont faire à leur tour des disciples. Je crois qu'en fin de compte, on va vivre une année de renouveau. Vous savez, je suis amené à voyager un petit peu du coup. Enfin, on a d'autres églises en Belgique, Amsterdam, bientôt Allemagne, etc., en Europe. Et en tout cas, ce que je ressens, c'est que l'Europe vit quelque chose de particulier en ce moment, spirituellement. Il y a des églises qui se construisent, il y a des églises qui grandissent. Les gens retournent à la foi. Pour moi, il y a une sorte de réveil spirituel qui prend place. Et je ne veux pas, en fin de compte, moi, c'est toujours la chose, je ne veux pas vivre moi avec de regrets. Je ne veux pas être hors de ce que Dieu fait. Et je crois que pour vivre aussi un renouveau en 2020, ça passe par là. Là, on est dans le bilan de l'année 2019. Mais la meilleure, peut-être, résolution qu'on peut prendre pour 2020, c'est si, voilà, je suis juste au stade, entre guillemets, je me considère comme chrétien, mais pas forcément comme disciple, en fait, vraiment, du coup, je voudrais t'encourager à poursuivre, enfin, Christ, à en faire vraiment ton Seigneur. Mais pour tous ceux qui sont disciples de Christ ici, et je crois qu'il y en a énormément, en fin de compte, choisir juste une personne l'année prochaine. Une personne qui est peut-être nouvelle dans la foi, qui est peut-être nouvelle à l'église, une personne qui est un peu plus jeune, un peu plus mature, et lui donner mon temps. Lui donner mon temps, m'investir, en fin de compte, tout ce que j'ai reçu, tout ce qui fait de moi un disciple, en fin de compte, je vais lui donner. Et je veux que ce disciple-là aille encore plus loin. Des disciples qui font des disciples. De passer de l'addition à la multiplication. En 10 ans, si chacun s'investit, il peut y avoir vraiment des conséquences extraordinaires dans le royaume de Dieu. Et c'est le mandat, en fin de compte. C'est vrai que c'est ce qui est fou, en fin de compte, c'est que Dieu pourrait faire le travail à notre place et il le ferait tellement mieux, en réalité. Mais en fait, Dieu, dans son immense grâce et dans son immense bonté, veut nous inclure dedans. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à vivre comme j'ai vécu. Il y a ce mandat-là qui est sur chacune de nos vies. Et si chacun le prend vraiment avec sérieux, pas dans une démesure, je vais former 10 personnes, mais en fait, ne serait-ce qu'une personne, ça peut faire toute la différence. J'aimerais juste qu'on prie pour conclure ce message. Seigneur mon Dieu, tu nous vois, Seigneur. On a, Seigneur, soif de toi, Seigneur, et merci, Seigneur, pour ce mandat missionnaire que tu nous donnes de faire des disciples. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, d'agir dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse prendre, Seigneur, cet appel avec une plus grande considération, Seigneur, et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Seigneur, je te prie également, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui ne sont peut-être pas au stade de disciples, Seigneur, tu les amènes plus loin avec toi. Seigneur, je te prie vraiment d'agir dans les cœurs, d'agir dans les vies. Et Seigneur, on a soif, Seigneur, de vivre la multiplication. Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, mettre des efforts acharnés juste pour une addition, Seigneur, mais on veut, Seigneur, focaliser, Seigneur, sur ce que tu nous as demandé de faire, faire des disciples et vivre la multiplication. Seigneur, je crois, Seigneur, que dans ce lieu, Seigneur, il y a des personnes, Seigneur, en 2020 qui vont s'investir dans d'autres, qui vont se déverser dans d'autres. Il y a des Pauls dans cette salle qui vont s'investir dans des Timothées. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, de les équiper. Seigneur, que tu enlèves également, Seigneur, toute peur, Seigneur, tout stress, Seigneur, toute chose, Seigneur, qui les empêche, Seigneur, d'oser, Seigneur mon Dieu. Seigneur, faire des disciples, Seigneur, est réservé à une seule catégorie de personnes, aux disciples, Seigneur, aux disciples de Christ. Il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de ministère particulier, juste être ton disciple. Alors Seigneur, équipe, Seigneur, envoie, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui vont partir, Seigneur, parcourir l'église, Seigneur, ton église, Seigneur, et le monde, Seigneur, pour faire des disciples. Seigneur, équipe-les, Seigneur, et que, Seigneur, on puisse voir un réveil, Seigneur, qu'on puisse vivre quelque chose, un renouveau en cette année 2020. De retourner à l'essentiel, de retourner à ta parole, Seigneur, de retourner à ce que tu nous demandes. Dans le nom de Jésus, Seigneur, équipe chaque personne ici présente, Seigneur, et qu'on puisse vivre vraiment la multiplication que tu nous appelles à vivre, dans le nom de Jésus. Amen.